Le hussard est une histoire qui commence au pas d'un cheval et marche ensuite au galop. Un jeune carbonaro italien, par ailleurs fils naturel d'une duchesse et colonel de hussards, se réfugie en exil en France à la suite d'un duel politique. Après diverses aventures qu'il évoque vers la fin du livre, il est amené à traverser le choléra qui sévit en France, et particulièrement en Provence, aux abords de 1832. C'est ici, purement et simplement, l'histoire de cette traversée, ou plus exactement, comment le choléra va se comporter vis-à-vis de ce personnage. Ce que nous espérons qu'on comprendra en voyant de quelle façon ce personnage se comporte vis-à-vis du choléra. Autrement dit, étant donné une épidémie ou un malheur de fait général, voir de quelle façon cette épidémie ou ce malheur peut être modifié par l'adjonction d'un être noble, généreux, pur, naïf et en bonne santé. Noble, généreux, pur, naïf et en bonne santé, tels sont les atouts que possède au départ le héros de cette histoire. C'est avec cette main de cartes qu'il va jouer. Jouer contre le mal, jouer contre l'amour, jouer contre les passions, sauf contre la passion propre et dominante de ce tempérament particulier. Nous n'aurons ici que le début de cette aventure. Seule cette première partie du jeu triomphant est publiée. Nous verrons par la suite notre héros rester capot avec sa même main de cartes, mais que le jeu du monde, l'adversaire, aura rendu sans valeur. L'adaptation radiophonique d'un ouvrage de près de 500 pages, bourré de détails minuscules tirant sur le vrai, était particulièrement difficile. Elle est, à mon avis, magistralement et très malicieusement réussie par André Bourdil, qui a compris mes intentions les plus secrètes. Les oiseaux s'éveillaient dans le vallon, le ciel était entièrement éclairé des lancements de lumière grise. Enfin, le soleil rouge, tout écrasé dans de longues herbes de nuages sombres, émergea des forêts. Madame, je tiens absolument à vous payer. Oh non, pensez, ce n'est rien ça. Si, j'insiste. Un bol de café, un œuf, du lard et du pain, mais c'était pour moi du plaisir. Tenez, regardez, votre route est là-bas, voyez ? Elle monte de l'autre côté de la vallée, dans les chênaies. Angelo aurait bien voulu pouvoir payer et avoir le droit de se retirer avec cet air sec et détaché qui était la défense habituelle de sa timidité. Je suis toujours aussi gauche et ridicule. Il faisait très chaud. Le silence était total. Dans le ciel de craie s'ouvrait une sorte de gouffre d'une phosphorescence inouïe, d'où soufflait une haleine de four et de fièvre. Les arbres énormes disparaissaient dans cet éblouissement. De grands quartiers de forêt engloutis dans la lumière n'apparaissaient plus que comme de vagues feuillages de cendres. De la lumière, rien que de la lumière. Dans ce pays, n'y aurait-il pas d'autre vie que celle de la lumière ? Angelo essaya de voir l'heure au soleil, mais il n'y avait pas de soleil. Seulement une lumière aveuglante venant à la fois de tous les côtés du ciel. Brusquement, après un détour, Angelo reçut sur les épaules une fraîcheur qui lui fit lever les yeux. Il venait d'entrer sous le feuillage très vert d'un grand hêtre. Non loin coulait une fontaine et à quelques pas, il y avait une auberge. Salut, caporal. Ah, J'ai tout ce qu'il faut pour votre cheval, mais pour vous, ce sera plus difficile. À moins que vous contentiez de mon dîner, à la fortune des bois. L'aubergiste se coiffa d'un vieux bonnet de police pour aller jeter 2 seaux d'eau sur les jambes du cheval d'Angelo. Ces Français ne digéreront jamais Napoléon. Cet homme sans chemise n'attend qu'une occasion pour être roi de Naples. Voilà ce qui fait la différence des deux côtés des Alpes. Nous n'avons pas d'antécédents et cela nous rend timides. Savez-vous ce que je ferai à votre place? Je désanglerai mon porte-manteau et j'irai le poser à l'intérieur, sur 2 chaises. Il n'y a pas de voleur. et moi. Allez, entrez. Allons boire un coup de piquet. Les auberges du genre de la vôtre sont généralement sanglantes. Il y a toujours dans ces endroits-là un four pour cuire les cadavres et un puits pour jeter les os. J'ai un four, mais pas de puits. Remarquez qu'on peut très bien enterrer des os dans le bois. Dans l'état d'esprit où je suis, rien ne me serait plus agréable qu'une aventure de ce genre. Et j'éprouverai un grand soulagement à être attaqué par des caillards bien féroces qui en voudraient ma bourse. Bon, je crois que j'accepterai le combat avec joie. Même dans ce petit escalier étroit que je vois là-bas, où cependant il est difficile de faire des feintes. Donc j'aimerais mieux être dans un galta dont la porte ne ferme pas et entendre monter les assassins sur leurs pieds nus. Me dire que j'ai 2 coups de pistolet à tirer et qu'ensuite il faudra régler l'affaire avec le stylet bien aiguisé qui ne me quitte jamais. Voilà la seule façon de parler d'amour sans qu'on puisse se moquer de moi. On dit ça, mais je crois que ces moments-là ne sont pas rigolos. Allez, buvons encore un coup. Il était à peu près 1 heure de l'après-midi. Il n'y avait d'ombre nulle part. Il sembla Angelo qu'au pas de son cheval, il entrait dans un four. Le long de hauts rochers anfractueux coulait l'odeur des nids pourris abandonnés par les éperviers. Les pentes déversaient dans le vallon l'odeur de tout ce qui était mort loin à la ronde dans les collines blêmes. Nids de fourmis, petites cages thoraciques grosses comme le poing, squelettes de serpents, étendards de mouches abattus comme des poignées de raisins de Corinthe, hérissons morts, lambeaux de sangliers répandus sur de larges aires d'agonie, carcasses de buses effondrées dans les branches de chêne sur lesquelles le soleil frappait. Ce jour-là, cette même chaleur noire commença à déferler en vagues sur le pays du Sud. Sur les solitudes du Var où les petits chênes se mirent à crépiter. Sur Marseille où les égouts commençaient à fumer. À Aix, où le silence des siestes était tellement grand qu'à midi, les fontaines sonnaient comme dans la nuit. À Riance, il y eut dès 9h du matin 2 malades. Un charretier qui eut une attaque. Et une jeune fille de 20 ans qui se souilla brusquement debout près de la fontaine. Elle essaya de courir jusque chez elle à 2 pas. Elle tomba comme une masse sur le seuil de sa porte. À Draguignan, il fut impossible de faire la sieste et tout le monde s'en alla dans les champs. Et comme il n'y avait plus de source, on mangea des melons et des abricots qui étaient chauds. On mangea formidablement des melons dans la vallée du Rhône. Des hauteurs de Carpentras, on pouvait apercevoir les remparts d'Avignon comme un thorax de bœuf blanchi par les fourmis. On mangea également du melon à la Valette. Et juste au moment où Angelo passait sous les rochers d'où coulait l'odeur des œufs pourris, la jeune madame de Théus descendait en courant les escaliers de son château pour aller au village, où une de ses femmes de cuisine venait de tomber subitement très malade. En gare d'Orange, les voyageurs d'un train frappèrent de toute leur force à la portière de leur coupé fermée à clé. Il y avait énormément de melons dans les villes et les villages de toute cette vallée. On mangeait des melons. On mangeait aussi des tomates crues. À Carpentras, écorces, graines et glaires de melon commençaient à joncher les rues les plus fréquentées. Tous ces détritus pourrissaient vite. La chaleur était toujours là. Et la lumière de cette chaleur était mystérieuse. Les gens marchaient dans une sorte d'ivresse et leur ivrognerie ne venait pas de leur ventre où gargouillait la chair verte et l'eau des melons hâtivement mâchée. Dès les premiers jours, beaucoup de malades passèrent inaperçus. À Orange, Avignon, Apt, Manosque, Arles, Tarascon, Nîmes, Montpellier, Aix, La Valette, Draguignan et jusqu'au bord de la mer, à peine si on eut à s'inquiéter d'une mort ou deux dans chaque endroit et de quelques indispositions, toutes mises sur le compte de ces melons et tomates qu'on mangeait partout sans retenue. On soigna tous ces malades avec de l'élixir parégorique sur des morceaux de sucre. Toulon, un médecin inspecteur de la marine de guerre insista pour être reçu dès 2 heures de l'après-midi par l'amiral et commandant de la place. Il avait un air hagard. Finalement, il fut mis à la porte par l'aspirant de planton. À Marseille, il n'était question de rien sauf de cette effroyable odeur d'égout. Pendant ce temps, devant un homme au visage violet et grelottant de fièvre sous un gros édredon, Angelo mangeait 3 melons et mordait si violemment dans une tomate crue que le jus gicla sur sa belle redingote. Il donna aussi des tomates et des écorces de melon à son cheval qui les mangea avec beaucoup de précipitation. Juste à ce moment, à Carpentras, un médecin faisait quitter la ville à sa femme et à sa petite fille par la diligence de Vaison. Au revoir. À bientôt, Rachel. Surtout ne t'arrête pas à Vaison. Vite, fais-toi conduire en voiture jusqu'à Dieu le fit. Et même poursuis jusqu'à Bordeaux. La lumière et la chaleur étaient toujours là. Les forêts fondaient comme des blocs de lard. On ne pouvait imaginer qu'il y aurait un soir. Pendant que Madame de Théus, à La Valette, se penchait sur le cadavre de sa fille de cuisine qui pourrissait avec une extraordinaire vitesse, à Toulon, le médecin inspecteur de la marine de guerre ne pouvait tenir en place et commandait une absinthe à une terrasse de café. Oh, après tout, j'ai pas à être plus royaliste que le roi. Symptôme prémonitoire. Va donc juger d'une façon certaine dans un corps ruiné par l'alcool, le tabac, les femmes, les tours du monde, les salaisons. De quoi veux-tu que ce soit le symptôme prémonitoire? Tout ce que je pouvais dire, c'est que je le jugeais comme un symptôme prodromique. L'amiral aurait fait une drôle de gueule tirée de la sieste pour être mis en face d'un symptôme purement prodromique. Collapsus. Même le collapsus. Corps ruiné dans lequel une simple dysenterie peut présenter des formes asiatiques. Oui, c'est très joli, mais je suis un médecin militaire. Et un médecin militaire a des supérieurs hiérarchiques. Communiquer avec l'amiral par un rapport qui laisse ma responsabilité totalement dégagée. Le reste, si j'étais médecin civil. Mais je ne suis qu'un rouage. Au même instant, à 40 lieues dans le nord, Angelo avait l'impression d'être en plomb bouillant. Le cheval allait d'un pas de profond sommeil. À Carpentras, le médecin qui venait de faire partir en hâte sa femme et sa fillette par la diligence de Vaison avait décidé en un tournement l'inhumation de 3 cadavres. Il avait terrorisé le syndic. Comme ça, je suis sûr que celui-là ne parlera pas au moins d'ici 1 ou 2 jours. Après, Eh bien, après, je ne suis pas sur terre pour empêcher les gens de parler. Le principal était de ne rien ébruiter avant d'être sûr. Tandis qu'Angelo passait à la lisière de bois de chêne qui soufflait une haleine de feu, à Marseille, le médecin inspecteur de la marine de guerre venait de boire sa 7e absinthe. Cette fois, il était décidé à affronter l'amiral. Tout ce qu'il faut, c'est que je puisse prononcer correctement « miasme délétère à bord de la Melpomène ». Pour le reste, je lui lâche le paquet. Je vais pas m'embarrasser du prémonitoire et du prodromique. Je lui dis ce que je pense. Et s'il y en a que c'est bien simple, je lui dis, je dis oui et vous dites non. Nous avons un truc pour savoir qui a raison. L'autopsie. Derrière un prêtre qui portait l'extrême onction à un mourant. Le médecin inspecteur de la marine de guerre salua militairement la croix. C'est vers 8 heures qu'Angelo arriva à Bannon, un bourg cendre dissimulé dans des pierrailles. L'hôtel était cossu, Angelo s'attabla. 2 litres de vin de Bourgogne, 1 livre de cassonade, 1 poignée de poivre et le bol à punch. Et encore 2 bouteilles de vin de Bourgogne. J'ai faim et j'ai soif. Les gens regardèrent paisiblement Angelo, en bras de chemise, engloutir son demi-pain de ménage et le vin sucré et poivré à grande cuillerée. Ils mangeaient et buvaient en même temps, tandis que la chaleur excessive faisait craquer les hauts lambris de la salle à manger. Angelo fuma 2 petits cigares. Enfin, il allait mieux. Il lui fallut cependant se cramponner à la rampe d'escalier pour monter à sa chambre. Il se coucha en travers du lit, soi-disant pour contempler à son aise les poignées d'étoiles énormes qui remplissaient le cadre de la fenêtre, et il s'endormit dans cette position sans même enlever ses bottes. Malgré l'heure matinale, la terre était déjà recouverte d'une épaisse couche d'air brûlant et gras. Au loin, un nuage d'oiseaux tournait en rond au-dessus d'un petit village, puis retombait doucement sur les toits. On respirait une étrange odeur fade et sucrée. Tout à coup, le cheval d'Angelo fit brusquement un saut de carpe, en même temps qu'une grosse flaque de corbeaux s'envolant découvrit un corps en travers du chemin. Le cheval tremblait. C'était le cadavre d'une femme. Les oiseaux retombèrent sur le dos et dans la chevelure de la femme. Angelo sauta à terre et courut contre eux. Alors les corbeaux s'envolèrent si lourdement qu'ils frappèrent Angelo. Le cheval, fouetté par un corbeau ivre, s'écarta et s'enfuit en faisant voler ses étriers. Aussitôt, Angelo courut vers la maison. Mais sur le seuil, il fut repoussé par un véritable torrent d'oiseaux. Fou de colère, il saisit une bêche et entra. Un chien à la gueule souillée de lambeaux innommables sauta sur lui. Angelo frappa. Le chien tomba la tête fendue. Sur la table, un enfant de quelques mois était écrasé comme un gros fromage blanc. Aplati par terre, au milieu d'un grand désordre, le cadavre d'une vieille femme et d'un jeune homme montraient leur ventre bouillonnant de boyaux et de vêtements hachés et pétris. Angelo essaya de courir, mais il flottait. Il trébucha. Il marchait dans du coton. Il avait froid. Foutu poule mouillée que tu es. Voilà les tours que te joue ton imagination et cette habitude de rêver. Quand la réalité te tombe sur le poil, il te faut un quart d'heure pour t'y remettre. À l'approche d'Angelo, les portes des maisons dégorgèrent d'épais vols d'oiseaux et des bêtes bondissantes. Dans chaque maison, il trouva des cadavres culbutés dans des éparpillements de cendres, d'ustensiles de cuisine et d'escabeaux renversés. Partout ce même spectacle de cadavres, de grimaces, de chair bleue, de déjections laiteuses et cette odeur abominable, sucrée et putride, semblable à l'odeur des calices de térébinthe mangeurs de mouches. Angelo était effrayé et glacé des pieds à la tête. Malgré son dégoût, il se pencha sur un cadavre. Des rats qui mangeaient les épaules et les bras firent un petit saut de côté. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous dans la bouche? On dirait du riz au lait. Se seraient-ils empoisonnés tous ensemble? Mais qu'est-ce qu'ils ont pu foutre dans ce village de merde? Est-ce que c'est une sorte de vendetta ou quoi? Il devait être midi. Le ciel était blanc. Il n'y avait pas un sou. Angelo reconnut son cheval. Un jeune cavalier le menait par la bride. Attention de ne pas perdre la face devant un paysan qui va rester bouche bée de la belle histoire que tu vas lui raconter. Eh bien, je n'espérais pas trouver son cavalier sur ses jambes. Il ne m'a pas désarçonné. J'ai mis le pied à terre quand j'ai vu le premier cadavre. Car il y a également des cadavres ici. Les avez-vous touchés? Avez-vous froid aux jambes? Hein? Y a-t-il longtemps que vous êtes ici? Vous avez une drôle de tête. L'homme mit pied à terre. Il montrait un visage intelligent avec de fort belles lèvres. Il tendit à Angelo une fiole. Buvez un coup de ça. Et allez-y franchement. Angelo se serait rué sur le jeune homme s'il n'avait eu le souffle coupé. Il but. En fin de compte, allez-vous me dire ce qu'il se passe? Comment vous ne savez pas? Mais d'où venez-vous? C'est le choléra morbus, mon vieux. C'est le plus beau débarquement de choléra asiatique qu'on ait jamais vu. Allez-y encore une fois. Allez, buvez. Croyez-moi, je suis médecin. Angelo but goulûment. Mais qu'est-ce qu'on fout au milieu de la route? Vous croyez qu'on ne serait pas mieux sous ces arbres? Allez, venez. Là, oui. Étendez-vous. Et laissez vos jambes au soleil. Enfin, dites-moi, qu'est-ce que vous foutez dans ces parages? J'allais au château de Serres. Et terminé pour le château de Serres. Ils sont morts? Mais naturellement. Et les autres qui ne valaient guère mieux se sont empilés dans une chaise de poste et ont foutu le camp. Ils n'iront pas loin. Mais vous, alors, je me demande ce que vous allez faire. Moi? Eh bien, je n'ai pas envie de foutre le camp. Angelo et le jeune médecin visitèrent toutes les maisons, mais tous étaient morts, sauf un homme qui s'était caché dans une resserre derrière des sacs à grains. Il agonisait recroquevillé, sa bouche dégorgeait sur ses genoux des flots de cette matière blanchâtre semblable à du riz au lait. Empoignez-le par les épaules, allez vite, vite, on n'est pas là pour rire. Allez, couchez-le, quoi. Forcez sur les jambes, n'ayez pas peur. Elles sont crispées. Coupez-moi un petit bout de bois dans ce balai de bruyère. Et pendant que je nettoie la bouche, déboutonnez son pantalon. Allez, dépêchez-vous. Allez, tirez-le, quoi. Et frictionnez-lui les jambes et les cuisses avec de l'alcool. Eh ben quoi, prenez la fiole, allez-y, frottez. Et frottez fort. Le malade râlait. Angelo s'escrimait à frotter de toutes ses forces des jambes et des cuisses très maigres qui restaient bleues et glacées. Arrêtez-vous. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y en a pas un qui nous donnera le plaisir de le sauver. L'après-midi finissait. Le silence était total. Angelo et le jeune médecin allongés dans l'herbe sèche tiraient sur leurs cigares à un sous les trois. Il faut dormir. Vous croyez que c'est si facile que ça? Je pourrais peut-être jamais plus dormir de ma vie. À moins qu'une nourrice me tienne la main. Quoi, vous pleurez? Un coup de cafard. C'est mon ventre, vite, faites pas attention. Angelo alluma un petit feu. Il faisait nuit. Le jeune médecin, les yeux grands ouverts, ne dormait pas. Angelo serrait son pistolet quand, dans la lumière du feu, il vit s'avancer un petit garçon placide et sûr de lui. L'enfant parla patois pour dire que son père et sa mère étaient morts, mais que sa sœur était encore un peu vivante. Aussitôt, le jeune médecin se mit en selle. Sur le point de grimper sur le cheval, l'enfant se mit à trembler et tomba sur le côté. Il claquait des dents. Foutez du bois dans ce feu et faites chauffer de grosses pierres plates. Allez, faites comme moi, frictionnez-le. Et plus fort. Et plus fort. N'ayez pas peur de l'écorcher, ça pourpoussera. Et donnez-moi des pierres chaudes. Le corps de l'enfant se couvrait de marbrure violette. Là, arrêtez-vous. Il a maintenant 50 centigrammes de calomel dans le cocon, on va voir. Ah, si vous pouvez continuer à frotter, mais sans le découvrir, en passant vos mains là-dessous. Oh, c'est tout mouillé. Oui, 10 centimes, allez-y quand même, je flamberai vos mains. C'est pas pour ça, je donnerai 10 ans de ma vie. Et pas de sentimentalité. Le visage de l'enfant, devenu cireux et minuscule, était perdu dans les plis de la grosse étoffe du manteau. Ils renouvelèrent les pierres chaudes, changèrent le linge abondamment souillé. Prenez la poudre de votre pistolet, détrempez-la dans l'eau de vie et faites-moi des cataplasmes dans des mouchoirs. Ou déchirez cette chemise. Je vais essayer de lui mettre des vésicatoires à la nuque et sur le cœur. Il respire bien trop court, j'ai l'impression qu'il va bougrement vite. Le corps de l'enfant maigrissait et bleuissait à vue d'œil. Angelo était couvert de sueur. Ah, qu'est-ce que vous voulez? On m'envoie chasser le tigre avec des filets et papillons. Ils m'ont donné plein pouvoir, mais ils n'ont pas voulu me donner des remèdes. Et ils avaient tous une fausse du diable. Et si j'avais de la belladone, on pourrait le sauver. Et ils se rendent pas compte qu'on a envie de sauver. Et maintenant, on est beau, là, essayer de faire marcher ça à coups de pouce. Le visage de l'enfant fut pétri de convulsions grimaçantes. Attends, mon Eva. Je te la donne, je te la donne, ma morphine. Attends. Il pompa très soigneusement toutes les gouttes jusqu'à la dernière et piqua. Puis il passa son bras sous la tête de l'enfant. Ne le frottez plus. Couvrez-le. Le médecin se redressa tandis qu'Angelo était toujours couché sur le corps de l'enfant sans oser faire un mouvement. Et voilà. J'en sauverai pas un. Pain. Ce n'est pas votre faute. Oh, c'est ces fleurs-là. Désinfectez-vous. Versez-vous de l'eau de vie sur les mains. Le médecin battit le briquet et enflamma l'alcool. Non, ne vous essuyez pas. Laissez donc ça tranquille. Et venez fumer un cigare. Le jour s'était levé. Le soleil était blanc et lourd. Angelo regarda son compagnon qu'il croyait endormi. Vous ne dormez pas ? Foutez le camp ! Vous entendez ? Foutez le camp ! Il vomit un flot si épais de matière blanche et orisée qui lui masqua tout le bas du visage. Angelo lui retira ses bottes et ses bas et se mit à le frictionner de toutes ses forces. Foutez le camp, vous entendez ? Angelo tentait de lui faire boire de l'alcool. Il avait réussi à lui mettre le goulot dans la bouche. Laissez. Et décampez, vous entendez? Sous les frictions qu'Angelo faisait aller de plus en plus vite, la chair s'amollissait, tiédissait, reprenait un peu de nacre. Angelo se sentait une force surhumaine. Il tira le corps près du feu, il fit chauffer des pierres, mais dès qu'il s'arrêtait de frotter, la cyanose sortait du genou, arborescente comme une cendre feuille de fougère et montée dans la cuisse. Le jeune médecin tâtonna les doigts autour de sa chemise, la souleva et montra son ventre. Il était d'un bleu total, effrayant. Le malade commençait à grimacer, à être secoué par des spasmes. Angelo frottait toujours les jambes et les cuisses dont le violet avait rejoint le bleu du ventre. Le jeune médecin remua les lèvres. Angelo colla son oreille près de la bouche du malade. Désinfectez-vous. Désinfectez-vous. Pauvre petit Français. La Dans la campagne, on commençait à apercevoir des soldats qui cantonnaient. Les abords des villages étaient barricadés. Les habitants avaient reçu l'ordre de brûler leurs morts, car il n'y avait plus de chaux-vives. Quand la nuit surprit Angelo, il arrivait juste au carrefour de Grande Vallée. Alors il vit que son chemin s'embranchait dans une grande route qui le coupait à angle droit. Il faut faire ici comme en pays ennemi. Et j'apprends vite. Il peut y avoir encore des barricades. Filons à travers champs. Angelo était ravi d'avoir à faire jouer son sens militaire. Au cours de la journée, il avait reçu le feu d'un peloton de soldats. Il avait désarmé une sentinelle qui avait exigé 200 francs pour le laisser passer clandestinement. La peur s'était emparée de tous. Soldats, civils armés, anciens forçats libérés, patrouillaient à l'abord des agglomérations et faisaient la chasse à tous les voyageurs qui se tairaient, car les fuyards ne circulaient plus que la nuit. Le jour commençait à se lever. La chaleur était déjà étouffante. Angelo était mécontent de lui. Il sentait qu'il n'inspirait pas confiance à la jeune femme qui le suivait en tenant par la main deux petits enfants féeriques. Il l'avait rencontrée la nuit, tandis qu'elle essayait de se cacher. Il l'avait rassurée. Il lui avait bien dit qu'il était colonel de hussards, mais elle ne l'avait pas cru. Il avait une barbe de 8 jours, le visage tout mâchuré de ruisseaux de sueur séchée, et la chemise déchirée par les ronces. La dame tenant absolument à expliquer son cas aux autorités, ils se présentèrent à l'aube à un poste de gendarmerie. La dame avait une confiance inébranlable dans le nom de Monsieur de Chambon. Elle était sûre d'avoir un cabriolet et se laisser passer, cette billette avec laquelle elle se voyait déjà traverser le pays comme une flèche. Tout en regardant les bottes d'Angelo qu'il paraissait beaucoup apprécier, le gendarme écouta les doléances de la dame qui avait de si beaux yeux verts. Mais oui, madame, on la fera, votre billet, ça ne fait aucun doute. Bien sûr que vous n'êtes pas malade. Oui, je vois, vous avez l'air tous très vigoureux. Mais voilà, il faut que vous fassiez ici une quarantaine de 3 jours. C'est recta. On les conduisit tous les quatre dans une grange pleine de gens de tout âge et de toutes conditions, assis tristement sur des malles ou à côté de paniers, de valises et de baluchons de toutes sortes. Angelo fut le seul à commander à manger. Il commanda 2 poulets rôtis, du pain, 2 bouteilles de vin et 20 cigares. Tout le monde le regarda manger avec une curiosité mêlée d'effroi. Mais jeune homme, vous faites courir les plus grands dangers à la communauté avec votre imprudence. Et vous avez fait entrer ici une serviette venant du village où il y a sans doute des malades. Mais tout ce qu'on peut se permettre pour des temps pareils, c'est de manger des œufs à la coque. Moi, je n'ai pas confiance en l'eau bouillie. Et le grand tort que vous avez, vous, et ceux qui me regardent avec de grands yeux, c'est de ne pas vivre comme d'habitude. Tous les gens s'écartèrent précipitamment d'une femme étendue sur la paille. Angelo s'approcha de la malheureuse qui claquait des dents. Quelqu'un a-t-il de l'alcool? De l'eau de vie? Vite! La malade était jeune, avait de très beaux cheveux et une nuque de lait. Elle dégorgea un peu de ce fameux riz au lait. Angelo lui nettoya la bouche et la força à boire. Elle mourut au bout de 2 heures. Angelo ne s'était pas arrêté de la frictionner. Avant le soir, un homme mourut très vite. Puis une femme, puis un autre homme qui faisait sans arrêt les 100 pas s'arrêta, se coucha dans la paille et se couvrit lentement le visage de ses mains. Mais faites taire ces enfants! Mais écoutez-moi, n'ayez pas peur! Vous voyez précisément que moi qui soigne les malades et qui les touche, je ne suis pas malade! Moi qui ai mangé un poulet entier, je ne suis pas malade! Et vous qui avez peur, et qui vous méfiez de tout, vous mourrez! Approchez-vous. Que je vais vous dire, je ne peux pas le crier sur les toits. Il n'y a qu'un paysan qui nous garde. Dès qu'il commencera à faire nuit, je le désarmerai et nous partirons. Il vaut mieux risquer la vie sans passeport que de rester ici à attendre une billette qui ne sert à rien, si on est mort. Et nos bagages alors? On ne peut pas porter les malles à travers champs? Vous parlez à votre aise. Vous êtes seul. Vous n'avez rien. Eh bien, restez, tout le monde est libre. Et vous, madame, me suivez-vous avec les 2 enfants? Je suis colonel de hussards et on ne viendra pas facilement à bout de nous. Oh, je ne peux pas me permettre de courir les routes comme une bohémienne. Les gendarmes savent très bien qui est Monsieur de Chambon. J'attendrai ici le cabriolet et la billette qu'ils m'ont promis. Ils ne peuvent pas faire autrement. Je n'ai pas osé vous dire qui est Monsieur de Chambon. Monsieur de Chambon est premier président de la cour. Voilà, alors vous comprenez. Moi, je vais vous montrer ce qu'est un gendarme, vrai ou faux. Et Angelo désarma la sentinelle qui crut qu'on lui prenait son fusil pour le regarder. Mets-toi de côté. Et laisse-moi passer. J'ai envie de jouer la fille de lait. La salle d'auberge longue et large contenait une vingtaine d'hommes et de femmes ivres. Deux énormes ponches brûlaient dans des seaux d'écurie. Angelo était bouleversé. Il avait une peur bleue de ces femmes, les pieds posés sur des barreaux de chaises et qui faisaient voir leurs jambes presque aux genoux et pas mal de jupons d'une grande finesse. Il ne pouvait supporter la vue de ces corsages ouverts sur des chemisettes et des rubans de corset. Ce pauvre petit médecin que je n'ai même pas pu enterrer. C'était le paradis. Quoi, il n'y a aucun ridicule à être fait de cette façon. Pauvre petit Français. Le jour montait sans couleur. Le ciel était semblable au lit de la rivière, entièrement couvert de galets de sel. Peu à peu, le soleil s'éleva. C'était de la craie éblouissante. De chaque côté de la route, d'énormes abricotiers soufflaient au passage l'odeur des fruits pourris. Il n'y avait de lointain nulle part. Tout était immobile dans du plâtre bouillant. Brusquement, Angelo, en repoussant ses cheveux en arrière, s'aperçut qu'il suait froid. Il eut un haut-le-cœur et vomit. Maintenant par averse, terriblement lourde, longue, étouffante. À la tombée de la nuit, Angelo arriva à Manosque. Il y avait de sérieuses barricades. Halte ! On ne passe pas ! Ne voulons personne chez nous. Vous entendez, personne ! Toute résistance est inutile. Ce sont des épiciers. Et celui-là en redingote qui me met en joue est un valet de chambre. Bon, ils sont en train de faire dans leurs culottes. Aidons-les. Satisfait, Angelo prit paisiblement par le travers, à flanc d'un coteau sous des amandiers. Il abandonna son cheval et déboucha enfin dans un boulevard sous des tilleuls. Les réverbères étaient allumés. Apercevant une fontaine, il y plongea aussitôt les mains. Envoyez-le ! Tenez-le ! Attention ! Il donne des coups de bosse ! Prenez-lui ses paquets de poison ! Il a dû les jeter déjà dans la fontaine ! Écrasez-lui la tête ! Allez ! Prenez-le ! Avant, va le prendre ! C'est un complot pour faire finir le poste ! C'est un étranger ! Il a des bottes de Milan ! Il est payé par le gouvernement ! Après avoir été battu, traîné par terre, après avoir eu la figure couverte de crachats, Angelo avait été enlevé à ses persécuteurs et conduit à un poste de police. Approchez-vous. Vous avez des papiers ? Non. Vous n'êtes pas français ? Non. Piémontais ? Oui. Réfugié politique ? Hein ? Vous répondez ? Pourtant, vous n'avez pas peur ? J'ai vu vous défendre à coups de botte sans dire un mot. Soit. Suivez cet homme. Angelo emboîta le pas à celui qui lui faisait déjà signe. Merci. exactement sur mes talons. Nous sommes dans mes raies de haricots. Mais suivez-moi. Je ne comprends rien tout ça. Je ne comprends pas pourquoi il faut que je me cache. Je n'ai fait de mal à personne. Chut, Motus. Il faut jamais parler d'innocence. Et si vous avez besoin d'assassins, prenez toujours des faussards. Ils y vont bon cœur parce que ça les calme. Pendant qu'ils tuent, ils ne pensent pas à leurs fausses. Mais faites attention. Enjambez les choux. Je n'aurais certes jamais besoin d'assassins. Oh, faites pas le cocardier. Si je vous dis doucement les basses, c'est doucement les basses. Le choléra est une saloperie. Mais le reste est une saloperie encore pire. Quel reste? On a payé des types pour dire que le gouvernement fait empoisonner les fontaines. Voilà. Et maintenant, bonsoir, monsieur. À droite, vous allez en ville. À gauche, c'est la campagne. Juste un tombeau débouchait. Angelo eut à peine le temps de se cacher derrière un arbre. C'était un chargement de cadavres empaquetés dans des draps. Des bras, des jambes, des têtes ballottantes au bout de longs coups maigres et mous dépassaient les ridelles. Quand le cortège fut passé, Angelo ne résista pas à l'envie de pousser la porte d'une boutique qui donnait un peu de lueur. Il crut reconnaître un de ces endroits où Giuseppe l'avait amené autrefois boire du vin. Plusieurs hommes buvaient en silence. Angelo commanda une bouteille de vin qu'il but à même le goulot, presque d'un trait. Il paya avec un demi-écu et sortit. C'est l'empoisonneur, j'ai reconnu à ses bottes. Est-ce que c'est le gouvernement qui lui paie ses bottes? Et qui veux-tu que ce soit? Allez, nous le faut. Vous n'allez pas vous laisser empoisonner comme des chiens par un gouvernement qui veut la mort des ouvriers? Non, non, allons-y, allons-y. L'obscurité était complète. Angelo fut rejoint. À plusieurs reprises, des mains énormes saisirent et déchirèrent sa chemise. Angelo se battait. À un moment, il lança un coup de pied qui arriva en plein dans un ventre. Angelo s'accota fermement dans une encoignure et prit son pistolet. Si je n'avais pas fait l'enfant tout à l'heure devant la barricade, j'aurais encore deux coups à tirer. Alors qu'il ne m'en reste plus qu'un. Et désormais, je ne peux tuer qu'un seul, ces chiens. Angelo sentit que son dos s'appuyait sur des planches qui cédaient. Il essaya de tourner la poignée de bois, la porte s'ouvrit. Il entra. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh bien, je vais monter. Il alluma son briquet. Sur une petite étagère, il trouva un bougeoir. Il alluma la bougie et monta un très vaste escalier. Au premier étage, une porte était entrouverte. Maintenue par une boule de fourrure à très longs poils, dans lesquels les élancements de la bougie allumaient des reflets d'or. C'étaient des cheveux de femme. C'était une très jeune femme ou une jeune fille. Elle restait belle, en train de mordre le vide à pleines dents avec des dents très blanches. La maigreur et la cyanose avaient taillé son visage dans de l'onyx. Elle avait dû mourir très rapidement du choléra sec. Sous sa longue chemise de nuit, on voyait son ventre noir, ses cuisses et ses jambes bleues repliées comme celles d'une sauterelle qui va sauter. C'est le plus beau débarquement de choléra asiatique qu'on ait jamais vu. Pauvre petit Français. Angelo circula dans plusieurs chambres. Il y avait partout le désordre de la mort. Lits dépecés, mâchés et piétinés, draps souillés et déchirés, matelas aux larges auréoles verdâtres. Partout les traces du combat dans les linges sales, qu'accompagnait l'odeur de laine sale arrosée d'alcool et de térébenthine. L'escalier montait tout en haut. Il finissait contre une porte qui s'ouvrit sur un brasillement d'étoiles. Angelo respira avec plaisir le vent qui sentait les tuiles chaudes et les nids d'hirondelles. Il éteignit la bougie et s'assit au rebord de la terrasse. La nuit était si chargée d'étoiles qu'Angelo pouvait voir les toitures agencées les unes aux autres comme les plaques d'une armure. La lumière était d'acier noir. De temps à autre, un étincellement s'allumait sur la crête d'un faîtage, sur la bordure d'un pigeonnier, sur une girouette. Les âmes sont bien malheureux. Tout le beau se fait sans eux. Le choléra et les maux d'ordre sont leur fabrication. Ils écument de jalousie ou périssent d'ennui s'il ne leur est pas donné d'intervenir. Angelo avait 25 ans. Il était de ces hommes qui ont 25 ans pendant 50 ans. Son âme ne comprenait pas tout le sérieux du social et qu'il est important d'être en place ou tout au moins du parti qui distribue les places. Il voyait la liberté comme les croyants voient la Vierge. Sa mère avait acheté son brevet de colonel. Il n'avait jamais compris que sa position de fils naturel de la duchesse Ezia Pardi lui conférait le droit au mépris, comme à tous ceux qui ont l'obligation d'être. Choyé par sa mère, il surprit quand on le vit assister régulièrement à l'exercice des recrues. Dans son dos, on pouffa de rire. Mais à la première revue, quand Angelo apparut comme un épidore sur son cheval noir, on ne put se défendre d'être fasciné par les arabesques, les trèfles de galons qui escaladaient son dolman et le casque étincelant emplumé de faisanerie sous lequel on vit un très pur et très grave visage. Est-ce que je me trompe si je me crois plus grand quand j'agis seul ? Le vent qui n'avait pas d'haleine faisait clapoter toute l'étendue des toitures. Je sais, on me dira que mes initiatives ont des ronds de bras qui attirent l'attention, et la lutte pour la liberté n'a pas besoin de l'attention. Je sais, mais pour ceux qui m'ont reproché ma désinvolture quand j'ai tué le baron Schwartz en duel, alors que les ordres étaient de l'assassiner ou de le faire assassiner, pour ceux-là, est-ce que ce n'est pas du temps perdu, le temps que j'ai passé avec le petit Français? Est-ce qu'ils ne se moqueraient pas de cette sentimentalité? Désinfectez-vous. Désinfectez-vous. Pauvre petit Français. Faut-il que je sois insensible comme une pierre ou comme un cadavre qui obéit? Alors à quoi bon la liberté? Une fois acquise, je serai incapable d'en jouir. Il faudra bien de toute façon qu'une fois le but atteint, qui est précisément la liberté, l'obéissance cesse. Et comment cesserait-elle si la liberté n'est plus donnée qu'à des cadavres obéissants? Malgré tout, Angelo croyait à la sincérité des hommes qui faisaient partie de la même conspiration que lui. Beaucoup avaient été fusillés. Certains se cachaient dans les contreforts des Abruzzes. Ces bougres-là m'auraient mis au pli s'ils m'avaient vu tout à l'heure fuir comme un lapin dans les rues. Je les entends gueuler, il fallait leur donner du pistolet dans la gueule. Mais pas comme Roland à Roncevaux, comme un maître qui a droit de vie et de mort. Qu'est-ce qu'ils étaient? De l'ordure! D'abord faire entrer tout le monde dans le rang. La première vertu révolutionnaire, c'est l'art de faire foutre les autres au garde à vous. Une fois abruti par un ou deux cadavres, alors on peut parler. On dit que nous sommes tous frères. Avec la nuit, le vent s'était alangui. Il soulevait mollement des odeurs très suspectes. Le silence était total. Alors, devenir leur maître pour leur donner la liberté. N'existerait-il donc que la royauté comme but final de l'homme? Dès que la passion peut se donner libre cours, tout le monde cherche à se faire roi. Le soleil, un soleil blanc, se leva. Les hirondelles fouettaient l'immobilité torride. D'épaisses colonnes de mouches fumaient comme de la poussière de charbon de la crevasse des rues. Il y avait une extraordinaire odeur de fumier d'oiseaux et parfois comme l'explosion d'une puanteur sucrée. Les bûchers rabattaient sur la ville une fumée lourde, à goût de suint et de graisse. Angelo était prisonnier des toitures et l'argile des tuiles gorgées de soleil brûlait comme une plaque de four. Les rumeurs et les cris qui les déchiraient parvenaient jusqu'à Angelo. Les cris des hommes étaient extrêmement tragiques. On les aurait dit souffler à travers des cornes de roc. Et tous ces bruits n'avaient en réponse que le roulement des tombeaux qui charroyaient les morts. Angelo avait l'impression que sous lui, la ville était toute pourriture. Tout le jour, il avait erré sur les toits. Mais quand vint le soir, il résolut de gagner un autre quartier de toiture plus vaste. Là-bas, il avait aperçu des jardins intérieurs où séchait du linge. Il avait faim, il avait soif. Grâce à une échelle qu'il réussit à glisser dans le vide, Angelo arriva enfin sur un vaste toit. Mais quelle ne fut pas sa surprise de voir arriver le chat qu'il suivait comme un chien depuis le matin. Et il se demanda comment il avait bien pu le rejoindre. Le chat se frotta contre ses jambes et sauta par une lucarne. La lucarne donnait sur un grenier spacieux, plein d'objets hétéroclites, dont la vue donnait à l'âme un profond sentiment de quiétude. Angelo franchit très difficilement la très étroite lucarne et alluma son briquet. Le grenier lui parut encore plus beau. Il y avait là de vieilles étoffes, des ferrures en fleurs de lys, des ombrelles, des guirlandes de nacre, des bouquets de fleurs d'oranger, des objets de la vie élégante et facile, endormis dans du miel. L'escalier était terriblement obscur. Angelo avait descendu 67 marches quand une brusque raie d'or encadra une porte qui s'ouvrit. C'était une très jeune femme. Elle tenait un chandelier à trois branches à la hauteur d'un petit visage en fer de lance encadré de lourds cheveux bruns. Je suis un gentilhomme. Je crois que c'est très exactement ce qu'il fallait dire. Ce chien n'est pas à moi, mais il me suit parce qu'il a reconnu un homme paisible. Et que fait un homme paisible à cette heure et là où vous êtes ? Je viens d'arriver dans cette ville et j'ai failli être écharpé comme empoisonneur de fontaine. On m'a poursuivi dans les rues. Je me suis caché dans une maison, mais il y avait des cadavres. Alors j'ai gagné les toits. Vous devez avoir faim. C'est pourquoi j'étais descendu. Je croyais la maison déserte. Entrez. J'ai scrupule à m'imposer. Mais vous ne vous imposez pas, je vous invite. Je suis seule. Vous n'avez pas peur ? Pas le moins du monde. Sinon de moi, et je vous rends mille grâces, mais... de la contagion. Mais ne me rendez aucune grâce, monsieur. Entrez, nos bagatelles de la porte sont ridicules. Angelo pénétra dans un beau salon. Il vit avec frayeur son propre reflet dans une grande glace. Il se trouva repoussant. La jeune femme se mit à allumer la mèche d'un petit réchaud à esprit de vin. Je suis navré. Je reconnais que vous avez toutes les raisons de vous méfier. Où voyez-vous que je me méfie? Je vous fais du thé. Excuse. Mais le temps n'est plus aux excuses. Et que faites-vous debout? Si vous voulez vraiment me rassurer, comportez-vous de façon rassurante. Asseyez-vous. Un fromage qui sent le goût, qu'un fond de peau de miel et du pain. Est-ce que ça vous va? Le pain est dur, il faut de bonnes dents. Vous êtes trop bonne. Mais je vais l'emporter. Je ne saurais me mettre à manger devant vous. Mais pourquoi? Suis-je écœurante? Si je vous gêne, je peux sortir. C'est ma saleté qui me gêne. Je n'ose pas vous donner de quoi vous laver. Toutes les eaux de la ville sont malsaines. Il est actuellement beaucoup plus sage d'être sale mais sain. Elle avait les yeux verts et pouvait les ouvrir si grands qu'il tenait tout son visage. Le thé était excellent. Angelo mangea avec voracité. Il avait l'impression de faire un bruit terrible. Quand il eut bu son deuxième bol de thé, il le posa fermement sur la table. Ici, je ne vous céderai plus. Vous ne m'avez pas cédé. Vous avez cédé à une fringale encore plus grande que ce que je croyais. Et ce thé est vraiment une bénédiction. Angelo se leva. Il accepta un fromage, un morceau de pain... et demanda la permission de se retirer. Son hôtesse lui avait conseillé de passer la nuit dans le grenier. Puis-je vous faire une proposition? Je vous en prie. J'ai deux pistolets, dont un vide. Voulez-vous accepter celui qui est chargé? Ces temps exceptionnels ont libéré beaucoup de passions exceptionnelles. Oh, je suis assez bien pourvue, voyez-vous-même. Et elle souleva un châle qui était resté à côté du réchaud. Il recouvrait deux forts pistolets d'arçon. Une bougie vous rendrait-elle service? Le plus grand, madame, mais je n'ai que de l'amadou à mon briquet. Voulez-vous quelques bâtonnets soufrés? Elle n'a pas cédé ses atouts une minute, et cependant elle a à peine 20 ans. Disons 21 ou 22 au grand maximum. Moi qui trouve que les femmes sont vieilles, je reconnais que celle-là est jeune. Au premier rayon de soleil, Angelo sortit du grenier et poussa jusqu'à un petit clocher. Il se glissa dans l'habitacle des cloches et descendit par un petit escalier en spirale qui aboutissait à un des bas-côtés de l'église. Partout, on voyait les signes d'un déménagement hâtif. Soudain, il aperçut un corps étendu. Il crut que c'était un cadavre. Mais le corps se redressa, puis se mit debout. C'était une vieille nonne. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Rien. As-tu peur? Ça dépend de quoi? Ah, tu es de ceux-là qui font dépendre leur peur de quelque chose. Et de l'enfer, as-tu peur? Oui, ma mère. Eh ben, est-ce que ça ne suffit pas? Veux-tu m'aider, mon petit? Oui, ma mère. Béni soit la gloire du Seigneur en son siège, il ne pouvait pas m'abandonner. Es-tu l'envoyé? Non. Qu'est-ce que tu en sais? Je ne suis rien, ma mère, ne cherchez pas. Rien, que l'orgueil, je te mentirai. Prends ça et mets-le. C'était une longue chemise blanche, semblable à celle dont étaient revêtus les charrieurs de cadavres. Ah, dépêche-toi! Attendez que j'entre dans mes bottes. Voilà, hein, prends cette sonnette. Allons, viens. Elle le précéda tout le long du cloître. Elle ouvrit une porte. Ma mère, vous ne connaissez pas un nommé Giuseppe? Dans vos tournées, peut-être... Mon ordre ne fait pas de tournée. C'est ici un couvent de filles riches et je m'occupe de cuisine, moi. Je connais pas plus ton Giuseppe que Pierre ou Paul. Et puis qui est ce Giuseppe? Un réfugié italien, un piémontais. Mmh. Oh, il vit simplement sans rien demander à personne. Il a cette chose à se dire à soi-même. Il y a un an que je ne l'ai vu. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton Giuseppe? Il est cordonnier. Non, nos souliers, on les fait semer chez Jean. Un italien aussi, mais c'est pas Giuseppe. Et pourquoi tu le cherches, ce Giuseppe? C'est trop long à dire. Il connaît ma mère. Elle est duchesse, ma mère. Elle est jeune et belle. Très belle. Eh ben, c'est bon, j'ai entendu. Et où est ta mère? En Italie. Et elle correspond avec Giuseppe. Elle lui envoie de l'argent pour moi, parce que moi, je suis toujours par Mons et par Vaux. Non, je ne sais pas qui est Giuseppe. La première fois que j'entends parler de ton Giuseppe. Allez, viens. Eh ben, allez! On met la sonnette et marche, mon petit. Le bruit de la sonnette soulevait des torrents de mouches. La chaleur était fortement sucrée. L'air graissait les lèvres et les narines, comme de l'huile. La nonne se déplaçait vite, tout d'une pièce, comme un rocher. Ses bajoux tremblaient dans sa guimpe. Quand elle arrivait dans une maison, il y avait parfois un ou deux cadavres, étendus dans ces affreuses poses cocasses, les cuisses écartées, les mains fourrées dans le ventre, la tête rejetée en arrière dans ce grand rire blanc et pourpre des colériques. D'abord, elle explorait tous les coins, et parfois, elle découvrait, cachée dans l'encoignure d'une fenêtre, un homme et une femme changés en chiens, prêts à flatter le premier venu. Alors, la grosse nonne commençait par s'asseoir et prendre le moulin à café entre ses grosses cuisses. Instantanément, l'homme et la femme cessaient d'être chiens. Partout où la nonne était, tout s'ordonnait. Elle entrait, et les murs ne contenaient plus de drames. Les cadavres étaient naturels. Tout se mettait immédiatement en place exacte. Quelquefois, on l'appelait d'une fenêtre, ou on la conduisait à une alcôve. Alors, elle tirait les rideaux. C'était un homme qui tremblait à faire craquer sa paillasse de maïs. Il broyait ses dents, en mâchage incessant qui lui retroussait les lèvres. Alors, elle prenait le moribond dans ses bras. Allons, allons. Un peu de patience, tout le monde y arrive. Oh, ça va venir, ne te force pas. Ça vient tout seul. Doucement. Tu es pressé? Voyez-vous, il est pressé. Tu Tu as ton tour, ne t'inquiète pas, sois paisible. Ça va venir. Voilà, ça y est. C'est à toi. Passe, passe, passe. Mais il aurait fallu le frictionner. Qu'est-ce qu'il veut frictionner, celui-là? Ainsi, tu as un esprit fort, hein? Tu veux oublier l'évangile? Demande du savon à cette dame-là et une cuvette et des serviettes. Dépêche-toi. La nuit facilitait l'égoïsme de tous. Les gens jetaient leurs morts sur le trottoir. Ils avaient hâte de s'en débarrasser. Ils allaient même jusqu'à les déposer devant d'autres seuils. Parfois, dans la demi-obscurité, au-delà du halo de la lanterne, Angelo voyait fuir les formes pâles, prestes, comme les bêtes qui sautent dans les fourrés des bois. Ma mère. Mon petit. Dans une ville comme ici, cependant, il y a bien des gens qui s'aimaient. Non. Non, mon petit. Angelo ne pensait pas. Simplement, il aidait la nonne à laver les morts. Il lavait tous les morts, même les cadavres abandonnés. Il les lavait d'une façon parfaite, avec beaucoup de satisfaction. La nonne souriait. Le jour de la résurrection, ils seront propres. Ce sont mes clients, j'en suis responsable. Et le Seigneur vous dira, parfait sergent. Si Dieu dit parfait, pauvre idiot, qu'est-ce que tu as à dire, toi, créature? Mais on pourrait en sauver. Et qu'est-ce que je fais? Bien sûr qu'on les sauve. Je veux dire leur rendre la vie. Il y a bien longtemps qu'ils sont morts. C'est plus qu'une formalité. Mais ma mère, moi aussi, je suis rempli de péchés. Cache-toi, cache-toi! La nonne couvrit son visage de ses grosses mains et regarda Angelo entre ses doigts. Peu à peu, elle abaissa ses mains. Donne-moi un cigare. Elle avait très rapidement pris goût à fumer. Elle semblait comme préparée à la volupté du tabac. Dès la première fois, elle ne tint pas le cigare qu'Angelo lui avait donné comme une femme maladroite et un peu apeurée, mais comme un homme qui sait ce qu'il attend et qui en a besoin. La ville ne remuait que comme un moribond. Elle se débattait dans le propre égoïsme de son agonie. Il y avait sous les murs des rumeurs sourdes comme de muscles qui se détendent, de poumons qui se vident, de ventres qui se débondent, de mâchoires qui claquent. On ne pouvait plus rien demander à ce corps social. Il mourait. Il avait assez à faire, assez à penser avec sa mort. Arrêtez-vous. Il n'y a plus rien à faire. Pas un qui nous donnera le plaisir de le sauver. Pauvre petit français. En guérir au moins, voilà ce qui l'intéressait. Et s'il avait réussi à en sauver un, est-ce que sa satisfaction serait venue simplement de voir la vie recréée ou bien de se sentir capable de recréer la vie? Y aurait-il dévouement sans envie de se faire plaisir à soi-même? Mais dans tout ça, que devient la lutte pour la liberté du peuple, pour laquelle j'ai tué le baron Schwartz, qui ne méritait pas la corde pour le pendre? Liberté, peuple, lutte. Oui, lutte. Ce mot peut rester. La lutte, c'est-à-dire une épreuve de force, dans laquelle j'espère être le plus fort. Au fond, tout revient à « Vive-moi !» En voilà un tout propre et prêt pour la résurrection. Au moins, en accomplissant cet acte parfaitement inutile et courageux, nous ne trompons personne. Un matin, une autre nonne, maigre et jeune, surgit dans le cloître. Sa cornette était d'un amidon éblouissant. Elle réveilla la grosse nonne qui tout de suite fit la doux. La grosse nonne écouta, un long sermonnement à voix très basse. Puis suivit la nonne maigre qui franchit la porte. Sur les gradins des collines, toute la population était rassemblée comme pour le spectacle d'un grand jour. Elle bivouaquait sous les vergers d'oliviers. D'immenses vols de corneilles et de corbeaux tournaient silencieusement au-dessus des arbres. L'horizon était encombré de montagnes enchevêtrées. Les routes étaient désertes. Désertes aussi les routes de l'espoir. Quand la nuit venait, de petits points lumineux commençaient à se déplacer dans les vallées. C'était la lanterne des charrieurs de mort en travail. La sueur des feuillages enfumés dégageait une épaisse odeur de résine. Il semblait que la terre entière était un four à cuire le pain. Tous les fuyards et suspects étaient impitoyablement arrêtés et conduits dans les infirmeries ou dans des quarantaines installées en plein verger. Tous ceux qui y étaient allés n'en étaient jamais revenus. D'extraordinaires rumeurs soufflaient sur la ville. Je viens de Marseille. J'ai vu les morts entassés plus haut que l'imposte des boutiques. On dit qu'à Aix, la ville est comme un champ de gibier. On assomme les malades. Moi, on m'a dit qu'on devait les prendre au lasso. Mais il y a pire. On m'a dit que dans certains endroits, les malades étaient tellement brûlés de fièvre que les cadavres devenaient comme de la madou et s'enflammaient au moindre souffle. C'est vrai. C'est ainsi que la ville de Die a brûlé. Dans la Drôme, il y en a de belles. Les oiseaux y sont devenus fous. Moi, on m'a dit que dans un pays pas loin, les chiens qui mangeaient les cadavres avaient fini par prendre de l'arrogance. Oh. Ils changeaient de physionomie. Ils leur poussaient des moustaches. Eh bien sûr, ils n'ont plus envie d'être chiens. Enfin, Angelo rencontra un homme qui connaissait Giuseppe. Giuseppe habitait une belle hutte de roseaux. Ce soir-là, un feu brûlait devant la porte. Quand Angelo passa devant la lueur des flammes, Giuseppe ne dormait pas. Ah, voilà enfin le fils de sa mère. La vigna, voilà mon seigneur. Les deux frères de lait se fricassèrent le museau comme deux jeunes chiens, tandis que la belle Lavinia se signait rapidement avant d'ouvrir les yeux, tout en continuant à faire une moue adorable avec ses lèvres brunies d'un petit duvet. Tu vois, Lavinia, il n'est pas mort, il m'a retrouvé. Giuseppe. Non, ne parlons pas. D'abord, tu vas dormir. Arrive ici. Il y a de la place pour trois dans ce lit. On sera un peu serré, mais c'est ce qu'il faut quand on s'aime bien. Giuseppe avait des yeux fort beaux que de très grands cils veloutaient. Réfugié politique, il comptait bien revenir en Italie combattre pour la liberté. Sa connaissance du peuple lui avait permis, dans ce bouleversement du choléra, de se faire écouter. Il était cordonnier et commandait aux soldats. Lavinia était une très belle fille, célèbre à Turin pour sa beauté. À chaque corso, on venait la demander à Madame la Duchesse, la mère d'Angelo, pour personnifier Diane ou la Sagesse ou même l'Archange Michel. Elle avait pris l'habitude de ces allégories et ne les oubliait jamais, même pas pour s'accroupir et souffler le feu sous la soupe. Une lettre et 100 écus romains attendaient Angelo depuis 2 mois chez Giuseppe. La lettre était de la duchesse, sa mère. Elle disait... Mon bel enfant, as-tu trouvé des chimères? Le marin que tu m'as envoyé m'a dit que tu étais très imprudent. Cela m'a rassuré. Sois toujours très imprudent, mon petit. C'est la seule façon d'avoir un peu de plaisir dans notre époque de manufacture. C'était une longue lettre d'une hardiesse excessive. Et maintenant, parlons de choses sérieuses. J'ai peur que tu ne fasses pas de folie. Cela n'empêche ni la gravité, ni la mélancolie, ni la solitude, ces trois gourmandises de ton caractère. Tu peux être grave et fou qui empêche. Tu peux être tout ce que tu veux et fou en surplus. Mais il faut être fou, mon enfant. Regarde autour de toi le monde sans cesse grandissant de gens qui se prennent au sérieux. Ils sont exactement comme si, à la fois, ils se bourraient de tripes qui relâchent et de nèfles du Japon qui resserrent. Ils gonflent, puis éclatent, et ça sent mauvais pour tout le monde. ne soit jamais une mauvaise odeur pour tout un royaume, mon enfant. Promène-toi comme un jasmin au milieu de tous. Le temps changea, l'orage menaçait. Le ciel s'abaissa jusqu'à toucher la cime des arbres. Les corbeaux eurent dès lors une vie très mystérieuse au-dessus du ciel blanc, d'où ils suintaient en grosses gouttes noires. Il régnait une violente odeur de marécage pourri. Maintenant, le choléra marchait comme un lion à travers villes et bois. Le soleil était éclatant et les eaux sales fumaient. Les malades mouraient en 2 heures, ils criaient. La mort frappait n'importe où, comme une balle de fusil. Personne n'osait rien faire, tout le monde attendait. Car la balle frappait à droite et à gauche, comme envoyée par un tireur posté et qui aurait eu son arme sur chevalet. C'était tantôt celui-là qui marchait dans le sentier et qui boulait comme un lièvre. Tantôt celle-là en train de souffler son feu et qui tombait dans la braise. On était 3 ou 4 en famille au pied d'un arbre et le père criait. Alors les enfants et la femme couraient comme un vol de perdreau et se posaient haletant derrière un buisson. Et parfois le tireur s'acharnait sur cette compagnie. À peine reprenait-il haleine que la mère ou un des enfants criait. Et de nouveau, les jupes claquaient dans la fuite, laissant à terre le nouveau mort qui se débattait encore en dépendant ses nerfs. C'est par un beau matin de vent du nord qu'Angelo quitta Giuseppe. Il était habillé de neuf et ses pistolets étaient chargés. Giuseppe lui avait remis un plan de la région. 3 jours plus tard, il devait se retrouver à Sainte-Colombe d'en bas, une chapelle au bord d'une route, dans un endroit qui fait peur. De là, ils feraient route tous 3 vers l'Italie. Avant le départ, on avait sorti encore une fois la carte où était dessiné l'itinéraire et le lieu de rendez-vous. Giuseppe pleurait. Lavinia regardait Angelo à la dérobée. Surtout, ne t'approche pas de ces 2 petites villes qui sont marquées là. Passe à travers champs. Si maintenant je te perds, je me brûle la cervelle. Oh, ça, je ne promets rien. Et même, je crois que je piquerai dur sur la première et que j'y entrerai pour peu qu'il y reste du monde. J'ai une envie terrible de ces petits cigares. Et il ne me reste que 3. Mais dès que j'en aurai acheté 100, alors c'est juré, je passerai en plein champ. Ils s'embrassèrent en frémissant. Lavinia regarda longuement Angelo s'éloigner. Angelo se planta un cigare au coin de la bouche et se paya un temps de galop. Halte-là, quitte à terre, paysan. On t'a dit et répété de ne pas approcher en équipage. Si tu veux discuter, va à la route où il y a un officier. Moi, c'est du plomb. Plusieurs soldats surgirent. Un peu plus loin, 20 de personnes brandissaient des papiers devant un officier. Mais monsieur, je sais comment on fait ces papes-là. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Ma consigne, c'est halte. Et je vous fais faire halte jusqu'à la Saint-Glaglin. Oui, baron ou pas baron, je suis comme le choléra, moi. Je ne choisis pas. Tous dans le même sac. Demi-tour. Angelo remarqua une jeune femme coiffée d'un petit feutre Louis XI jaune soufre. Avec sa cravache, elle battait ses bottes. Je la connais. Ma tête a coupé. C'est la jeune femme qui m'a fait du thé dans cette maison où il y avait un grenier si extraordinaire. Puis-je vous aider, madame? Paiement d'un service rendu. Quel service? 2 bols de thé et de très grands bols, et je crois que... Ah, j'y suis. Le gentilhomme. Mais que fait-on ici? Il y a 3 jours qu'on nous empêche de passer. Oh, rien ne me serait plus agréable que de tirer ma révérence à cet escogriffe. Tirons-la tout de suite. Ils étaient déjà loin quand ils virent 3 cavaliers revêtus d'uniforme rouge galoper vers eux sabre au clair. Voilà encore deux de ces petits cochons. Foutez-lui nous loin le pif à celui-là. Angelo eut la chance de trouver tout de suite la poignée de son sabre. Alors il lança son cheval sur la jument du brigadier. Celui-ci vida les étriers et tomba comme un sac. Alors les soldats frappèrent de tranches. Mais Angelo leur releva vertement les lames et en quelques voltes plaça les 2 hommes à sa main. Pendant qu'il menait une escrime éblouissante, il regardait la jeune femme. Faites-moi la grâce, madame, de galoper droit devant vous. Je vais donner une petite leçon de politesse à ces gens en foutre. L'arme vola des mains de l'un des cavaliers. Les deux hommes tournèrent bride. Il n'y avait pas d'étoiles, pas de vent. Il y avait un grand silence. Pour une fois, Angelo jouait vraiment à la guerre, avec des cavaliers vraiment ennemis. Il pensait à la jeune femme comme à des chariots d'arrière-garde qu'il faut protéger à tout prix. Vous allez quelque part ? Je vais chez ma belle-sœur à Théus. C'est dans les montagnes au-dessus de Gap. Mais c'est simplement une idée comme une autre, et si j'ai pris cette route, c'est parce que j'y suis passée une fois avec mon mari. C'est aussi ma route. Je rentre en Italie. Je peux vous accompagner jusqu'à Théus. Il faudra cependant que nous trouvions un ermitage qui s'appelle Sainte-Colombe. J'ai rendez-vous à cet endroit avec Giuseppe, mon frère de lait, et sa femme qui sont restés à Manosque. À partir de là, nous serons quatre et nos ennuis seront finis. Angelo était enivré par la forêt d'automne. Soudain, quelque chose tomba dans les ramures de lieuse près de laquelle Angelo avait fait halte pour allumer du feu. Au bout d'un moment, un roucoulement, un appel tendre, mais assez impératif. C'est un oiseau. Regardez, il y en a d'autres qui viennent. Je suis impressionnée. Oh, écoutez-les. Est-ce qu'on ne dirait pas qu'ils nous font la cour ? Et même une cour pressante, ils ont beaucoup d'espoir, ils ne craignent plus l'homme depuis qu'ils en mangent tant qu'ils veulent. Je vais chercher de l'eau, attendez-moi, reposez-vous, attention aux chevaux ! Angelo courut vers une ferme qu'il avait aperçue. Je réfléchis toujours à haute voix. Avec deux jurons bien placés, cette femme n'aurait plus eu peur, et moi non plus. Dans la ferme, il y avait deux cadavres vieux d'un mois. Il ne restait d'une femme que les énormes os des jambes dépassant d'un jupon piétiné, un corsage déchiré sur de la carcasse et des cheveux sans tête. Le crâne avait roulé sous la table. L'homme était en tas dans un coin. Il avait dû être mangé par les poules qui étaient là entassées, muettes, la patte en l'air et fort arrogante. Angelo regarda de tous côtés et revint en courant. La jeune femme était debout, pâle comme une morte, un gros pistolet d'arçon à la main. Sur qui avez-vous tiré ? Elle fit une horrible grimace de rire. Elle claquait des dents et tremblait. Oh, je suis ridicule. J'ai tiré sur l'oiseau. Oui, sur l'oiseau. Quand vous êtes parti tout à l'heure, il est devenu extrêmement pressant. Je n'ai jamais rien entendu de plus horrible que cette chanson endormeuse qu'il m'adressait sans arrêt. C'était répugnant, mais séduisant à un point. Je comprenais tout et je me rendais compte que j'étais d'accord. Je me sentais sucrée de la tête aux pieds. Peut-être ai-je cédé au sommeil. Il était sur moi, il puait. C'est seulement au premier coup de bec que j'ai hurlé et sauté sur mon pistolet. Et cela ne m'arrivera plus. Elle avait près de l'œil une petite écorchure qu'Angelo désinfecta. Il était atterré en songeant que ce charognard devait avoir du choléra plein le bec. Mais est-ce que la maladie pouvait se transmettre de cette façon ? Il fit boire de l'alcool à la jeune femme. Il en lampa lui-même une bonne gorgée. Il désinfecta soigneusement le petit point rouge. À la vérité, peu de chose, juste la peau éraflée. Fous dans le camp ! Excusez-moi, je parle mal, mais tant pis. Dans les fermes, là-bas, il n'y a que des morts. Partons ! Du haut des chevaux, les cavaliers dominaient la végétation basse d'une vaste lande. Ils pouvaient voir très loin sans apercevoir autre chose que cette désolation grise et devant eux des nuages fort sombres, au travers desquels on pouvait distinguer parfois le corps noir d'une montagne. Ils passèrent à côté de maisons en ruine, inhabitées depuis longtemps. Il y a quelqu'un chaussé de souliers ferrés qui marche. Vous n'entendez pas ? Bonjour, monsieur, dame. Vous permettez que je fasse la pause à côté de deux chrétiens vivants ? C'était un bon gros paysan aux mains énormes qui venait de déboucher du carrefour. C'était un personnage tellement moustachu et barbu qu'il n'avait plus figure humaine. On ne voyait au milieu de ses poils que ses yeux souriants. Ça a l'air d'avoir été secoué par ici aussi. Il faut se tenir aux branches, monsieur. C'est le seul moyen. Qu'est-ce qu'il leur est arrivé? Pourquoi ont-ils quitté leur maison? Ils ont tous passé l'arme à gauche. S'ils m'avaient écouté, je leur aurais donné le moyen. Et le moyen de quoi? Le moyen de passer à travers, pardi. Si vous connaissez ce moyen-là, vous ferez fortune. Vous vendez votre truc? Dame, vous ne voudriez pas que je le donne? Bon, je le vends pas cher, c'est un fait. Un petit écu de 3 francs. Parfois, j'en donne. Il y a des cas. Mais une chose de remarque. J'avoue que dans ces cas-là, ça ne fait guère d'effet. Il faut payer. Alors ça opère, erecta. J'en ai sauvé des 1000 et des 100. Avec quoi? Avec ce qui est dans mon sac ici, madame. C'est des plantes. Je vais les chercher loin et juste des souliers. Et il n'y en a pas des tas et il faut avoir l'œil. Si vous vouliez les trouver, vous, il vous faudrait courir. Mais moi, je sais des tas de choses. J'en fais profiter mes contemporains. Vous avez de belles bêtes. Vous ne voudriez pas m'en vendre une? Non, mon vieux. C'est notre tisane. J'avoue qu'elle compte. Et où allez-vous? Je suis le chemin. Cette route vous conduit à Chauvac. Est-ce que vous connaissez bien le pays? On doit pouvoir vous parler franchement. Ça dépend. En principe, ça ne tue pas. J'achète 5 paquets de tisane. J'ajoute un écuron, et ça fait 1 louis que je vais jeter là-bas à vos pieds si vous craignez la contagion. J'ai mon remède, et 1 louis n'a jamais donné le choléra à personne. Allez-y. Que font les soldats par ici? Vous avez mis dans le mille. Ils embêtent le pauvre monde. Il semble qu'il y en ait partout. Du côté de Chauvac où vous allez, c'est farci de dragons. Il n'y a qu'à éviter la ville. Il n'y a qu'à éviter la ville, comme vous dites. Mais c'est là qu'il va falloir que vous ajoutiez un petit écu de 5 francs. Et si ça vaut la peine? Attention, si tu me fous dedans, je dois te prévenir que je suis italien et que je sais jeter les sorts. Je n'ai pas intérêt à vous foutre dedans, vous ne risquez rien. Quant aux sorts, j'en vois de toutes les couleurs depuis un certain temps. Et sans italien, c'est simple comme Baptiste. Il suffit d'être du pays. Il n'attrape pas un de nous. Les deux cavaliers suivirent les indications du gros paysan point en point. Et cet itinéraire fit merveille. Ils contournèrent plusieurs villages et arrivèrent enfin dans une auberge où ils mangèrent énormément. Il faisait nuit. La jeune femme fut sur pied de bonne heure. Angelo, lui, avait surveillé avec grand soin l'ébullition de l'eau pour le thé. Il montra aussi beaucoup de contentement personnel du sac de farine de maïs, de la cassonade et de 12 durs qu'il avait fait préparer par l'aubergiste. L'homme à côté de qui j'ai dormi dans l'écurie m'a dit qu'il s'en passe de belle dans la région de Chauvac. Je crois que nous allons avoir à batailler. Il paraît que non seulement ils ont le choléra, mais encore ils sont devenus fous. Dans la montagne, nous ne craignons qu'une chose, les brigands, on prétend qu'il y en a. Oh, dès que nous aurons rejoint Giuseppe et sa femme, nous pourrons passer sur le corps de tous les brigands du monde. Giuseppe est un lion, et la vigna se ferait tuer pour son mari, et pour moi. Je suis entièrement d'accord, je n'ai qu'une chose à ajouter. Réglez ma dépense, cela paraîtra plus naturel. Je vous rendrai l'argent quand nous serons seuls. Et puis je veux vous faire une recommandation. Payez, mais faites l'avare. Il est dangereux de montrer que nous avons de l'or. Ne donnez pas un sou de plus que ce qu'on vous demandera. Pour le reste, j'ai autant confiance en vous que vous-même. Vous parlez comme le policier de Turin qui n'a pas osé m'arrêter. Ah, monsieur, disait-il, pourquoi un duel au sabre quand il est si facile d'assassiner avec un couteau? Et dans ces cas-là, nous avons le droit d'être aveugles. En plein midi, les deux cavaliers arrivèrent dans un pays désert. La terre décharnée montrait l'os. Angelo méditait. Quel pays triste. Pourtant, on doit pouvoir s'habituer à ce lieu. N'ai-je pas été parfois magnifiquement heureux avec ma nonne, et souvent au moment même où nous tripotions les cadavres. En changeant toutes mes habitudes et même en prenant le contre-pied de mes notions morales, je peux être parfaitement heureux. Au milieu de cette végétation torturée. Je pourrais donc jouir du plus vif bonheur au sein de la lâcheté, du déshonneur et même de la cruauté. Ici, on voit peut-être les raisons pour ne jamais faire aucune révolution. Quand je pense que nous n'avons pas dit un mot depuis des heures avec cette jeune femme. Excusez-moi. Je voudrais vous parler, mais je ne sais que dire. Ne vous excusez pas. Rien ne me passe par la tête, à moi non plus. Enfin, vers le soir, Angelo aperçut une combe pleine de saules et les toits d'une vingtaine de maisons. Ils se lancèrent au trot et débouchèrent tout à coup sur une sorte de placette pleine de soldats et transformée en souricière. Ils étaient prisonniers. Quand Angelo et la jeune femme, encadrés par les soldats, franchirent le portail du château fort de Vaumeil, ils se trouvèrent dans une cour intérieure dont les quatre murs s'élevaient à plus de 30 mètres. Les nouveaux venus qui entraient en quarantaine restaient tout un jour, parfois deux, près de la porte. Ils ne se mêlaient jamais tout de suite aux anciens. Angelo et la jeune femme restèrent, eux aussi, interdits au seuil de la grande salle. L'éblouissante lumière qui transperçait la quarantaine exaltait jusqu'au jaune terreux de la paille, faisait luire à la fois le drap fin des redingotes, la moire, le satin de certaines robes et l'ordure qui les salissait. Tous ces vêtements fripés dans lesquels on dormait habillaient les membres d'une société qui gardait ses gibus, ses catogans, ses anglaises, ses casquettes de voyage et ses fausses rondeurs de gestes. Angelo et la jeune femme, penchés à la fenêtre, regardaient le ciel. Le soleil déjà inclinait sa lumière et le vent donnait à tout ce pays une allure marine, une odeur de grand large. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que dans les occasions exceptionnelles, vous tenez le coup. Vous oubliez que j'ai tiré un corbeau parce qu'il roucoulait comme une colombe. Mais il faut toujours tirer sur ces choses-là. Savez-vous ce qui perd notre âme ici? C'est cette odeur de caca et d'urine, tous ces jupons qui puent comme des cacs de morue. Ce ne sont pas les fers ni les murs qui gardent les prisonniers en prison. C'est l'odeur de leur latrine qu'ils sont obligés de renifler pendant des mois. Puis des sens avilis. Quel monde voulez-vous qu'ils aient en eux? Je suis prête à vous suivre. Mais nous sommes ici au sommet d'une tour. Et avant d'y être enfermés, rappelez-vous les escaliers, les galeries, les cellules et les 20 petites portes au moins par où nous sommes passés. La nuit était douce. Les grillons et les courtilières faisaient entendre maintenant ce crissement métallique qui semblait être l'enivrement de l'air lui-même. Ça y est, c'est le dernier obstacle. Le mur est moins haut que je ne pensais, 3 ou 4 mètres. Prenez appui sur la souche. C'est du laurier sauvage, il a poussé dans le mur. Mais c'est très amusant. Cela me rappelle un soir où j'ai sauté par la fenêtre pour aller danser sur la place de Riance. Ils n'avaient plus de chevaux, mais ils avaient encore leurs pistolets. Maintenant, il n'était plus question de rejoindre Giuseppe. Et Giuseppe était assez grand garçon pour trouver son chemin tout seul. Ce qui importait, c'était d'arriver à Gap. Comment vous appelez-vous? J'ai déjà eu plusieurs fois le besoin de vous appeler tout en étant près de vous. Moi, je m'appelle Pauline, Pauline de Théus. Je m'appelle Angelo. Mon nom est Pardi. Ce n'est ni le nom de ma mère, ni certainement le nom de mon père. Je suis assez fier qu'il soit simplement le nom d'une très grande forêt que ma mère possède près de Turin. On était en plein dans ces chaleurs qui s'attardent en automne. Les deux fugitifs avaient réussi à gagner un hameau. Ils s'y étaient reposés 2 jours. Mais, brusquement, ils avaient dû lever le camp pour prévenir une attaque des habitants. J'ai compté 9 personnes. J'ai l'intention de tirer dans le tas, et pas aux jambes. Nous n'attaquerons pas. Mais prenons nos précautions. N'ayez pas peur. Croyez-moi. J'ai la main sûre et je ne me flatte pas. Attention. Tenez-vous derrière moi. Au moins. moindre geste, faites-moi sauter la gueule à ces deux phénomènes-là qui ont des bâtons. Là, à ma droite. Je me charge de ceux qui sont devant moi. Toi, jette ton fusil. Jetez tous vos bâtons. Reculez-vous jusqu'au mur. Vite ! Angelo marcha sur eux. Ils reculèrent. Mais ils ne jetaient ni fusil ni bâton. C'était la jeune femme qui venait de tirer. En un instant, tous s'alignèrent contre le mur, sauf un homme qui avait la main droite mâchée de chevrotine et dont le sang coulait sur l'herbe. Embattez le mulet et sortez-le. Je ne vole pas, moi. Nous étions amis. Je vous ai payé la poule, les légumes et le sel. J'ai donné un petit cigare à votre espion. C'est vous qui êtes responsable de ce qui vient d'arriver. Mais si je voulais non seulement emmener votre mulet sans payer, mais encore vous passer par les armes, ce serait facile, et je suis dans mon droit. Je vous paye le mulet, 30 francs. Je vais ajouter 10 francs pour le fusil, que j'emporte pour ne courir aucun risque. Ça fait exactement 2 louis que je vous lancerai dès que nous serons sur la route. Mes pistolets portent parfaitement à 15 pas. Voilà prévenu. Le soleil avait disparu. De grandes montagnes couleur lilas qui avaient été cachées jusque-là sous la lumière montaient de tous les côtés. Angelo et Pauline marchaient plein nord. Tout à coup, un piéton surgit devant eux. Je suis peut-être indiscret, mais est-ce que vous venez de loin ? Il n'y a pas d'indiscrétion. Qu'est-ce que nous faisons, vous et moi, sur les routes ? On n'a pas besoin de le demander. C'est visible. Nous foutons le camp. Je viens de Marseille. Il y a longtemps que vous avez quitté Marseille ? Fin août. Il mourait de 800 à 900 personnes par jour de plus que la normale. Les denrées à prix d'or se vendaient sous le manteau. On recrutait partout des fossoyeurs. On fusillait les pillards. On tuait tous les jours une bonne dizaine d'empoisonneurs de fontaine. Le nombre de femmes de mauvaise vie qui vendaient leur charme sur le cours Belzunce augmentait en même temps que le nombre de décès. C'était un tel fouillis de membres de toutes sortes sucrées de poudre de riz qu'ils vous envenaient des fringales irrésistibles. Le chemin se mit à descendre. Dans la vallée, 2 grands brasiers étaient allumés. Les flammes éclairaient à proximité les murs d'une petite ville. Peu à peu, une odeur de graillon se substitua au vif parfum de pierres et d'arbres secs du plateau. Après avoir erré dans l'entrelacement de chemins crus, Angelo et Pauline prirent pied sur une petite route qui escaladait les pentes boisées. Rapidement, ils entrèrent dans une forêt qui ronronnait comme un chat. L'averse attrapa les 2 voyageurs juste au moment où ils traversaient une sorte de parc. Ils eurent juste le temps de s'abriter sous l'auvent de la grande porte d'une maison. Curieux endroit. Que fait ici dans les bois cette caserne ? Est-ce que vous ne sentez pas une odeur de soufre ? Oh, si. Et je me souviens de cette odeur d'œuf pourri. Elle m'a réveillée dans ma voiture fermée la première fois que j'ai traversé la région avec mon mari. Il y a par ici 4 ou 5 villages qui ont des sources sulfureuses. Et cette caserne doit être simplement une sorte d'hôtel qui sert l'été à l'époque des bains. La demeure était immense. À l'allure des bougies, ils entrèrent dans un grand salon. Des fauteuils étaient rangés le long des murs, sous des pomones, des vénus, des trophées de fruits et de gibier, peints beaucoup plus grands que nature. Ils visitèrent toutes les chambres. Il n'y avait pas de cadavres. Partout, la literie était soigneusement roulée, tapée, pliée et camphrée. Tout était propre. Nos 2 fugitifs avaient faim. Ils avaient soif. Angelo, qui avait fureté partout, avait réussi à découvrir à la cave, à demi enterrée, tout un lit de bouteilles soigneusement cachetées. Ce vin a 5 ans. Cette fois, nous allons boire frais sans risque. Il y a du clairet ? Oh, j'ai encore plus soif que vous. Il y en a, mais il faut manger avant de boire. Je vais allumer du feu et nous allons faire la polenta au vin blanc. Ça coupe la fatigue. Vous êtes vieux comme les rues, beaucoup plus vieux que mon mari. J'ai 26 ans. Il en a 68. Il est plus risqueux que vous. Je n'ai rien à risquer en vous laissant boire à jeun. C'est vous qui risquez. On peut prendre facilement cette responsabilité quand on s'en fiche. La polenta au vin blanc, très sucrée et liquide comme une soupe, était engageante à avaler. Elle tenait au corps comme un plomb vermeil. Après avoir mangé, Angelo déboucha une bouteille de clairet et servit coup sur coup 5 verres à la jeune femme. Pauline évoqua avec mélancolie son enfance. Je n'ai pas connu ma mère, j'ai grandi toute seule. J'étais inquiète. Pour moi, il s'agissait d'abord d'être sûre, c'était bien plus important que la peur. Sûre de quoi? Sûre de tout. Quand j'ai entendu vos pas étouffés dans cette maison de Manosque où j'étais seule en plein choléra, j'ai pris un candélabre et je suis venue voir. Il me faut toujours venir voir. Je ne sais pas fuir, je n'ai de refuge nulle part sauf dans ce qui me menace. Oh, j'ai tellement peur. L'audace est mon giron naturel. Oh, mais je crois que je suis un peu ivre. Ne vous inquiétez pas, buvez. Mais prenez de celui-là qui est noir. Il ressemble à un vin de chez moi. Et contient du tanin. C'est ce qu'il faut pour résister à la marche. Vous en savez les choses. Je ne sais rien. Savez-vous que je n'ai jamais cru que vous étiez officier? Je suis colonel, avec un brevet acheté, payé. Me croirez-vous si je vous dis qu'on m'a fait la cour avec un cadavre mangé par les corbeaux et les renards? Je vous ai dit que mon mari a 68 ans. D'habitude, on ouvre de grands yeux. Vous n'avez pas bougé un cil. C'est que je vous suis indifférente, mais... Vous ne m'êtes pas indifférente du tout. Je vous fais du feu, de la polenta, depuis 10 jours. Et au lieu d'aller à mes propres affaires, je pousse avec vous du côté de Gap. Où je vais, je l'espère, trouver mon mari. Car je l'aime. C'est tout naturel, puisque vous l'avez épousé. En effet. Malgré le grand nom et la fortune, si je ne l'avais pas aimé, je ne l'aurais pas épousé. Reste qu'il a presque 45 ans de plus que moi. Et ceci ne continue pas à vous étonner? Non. Ce qui m'étonne, c'est votre façon de souligner son âge constamment. C'est une de mes faiblesses. Des mariages comme le mien sont toujours suspects d'intérêts sordides. Mais est-ce vraiment une faiblesse que de vouloir s'en laver à tout prix? Et Pauline de Théus raconta l'histoire de son extraordinaire amour pour son mari, qu'elle vit pour la première fois meurtrie d'un coup de pistolet, baignant dans un torrent. Non loin de lui, un gendarme gisait, un trou dans le front. La jeune femme parlait gravement, avec passion, de sa vie dans son château de Lavalette, dans cette partie de Sainte-Victoire qui devient rose à chaque couchant. Savez-vous que je suis passé peut-être sur vos terres l'an dernier quand j'habitais Aix? Mais nous étions voisins. Et où habitiez-vous à Aix? Hors de chez moi. Un exilé, un proscrit doit s'habituer à ne rien posséder de valable que soi-même. J'avais pour moi en tout cas de ne pas avoir fui. Combien de fois ai-je béni la folie qui m'avait obligé à quitter mon pays? Un assassinat, même de légitime défense, comme c'était le cas, ne m'aurait laissé de repos dans aucun décor. L'homme que j'ai tué vendait les républicains au gouvernement de l'Autriche. Je l'ai tué en duel. Il avait les chances du hasard. On m'a reproché d'avoir risqué ma vie. Les défenseurs du peuple n'ont, paraît-il, pas le droit de se servir de noblesse. Je n'avais le choix qu'entre la prison et la fuite. Quand je suis parti de chez moi, dans la montagne, du côté de Cézanne, j'ai entendu galoper derrière moi. Alors j'ai mis pied à terre, j'ai ramassé un petit bouquet de narcisses. J'avais mon casque à plumes et de l'or sur du bleu, en veux-tu, en voilà. Les carabiniers m'ont salué réglementairement. Nous sommes finalement un peuple qui aime les narcisses. Oh, mais nous avons trop bu. Ah, d'ici 5 minutes, nous allons parler en vers et contre tous. Et là, si je peux me permettre cet affreux calembour. Voulez-vous que nous songions à dormir? Ils choisirent deux chambres dont les portes se faisaient face. Angelo employa son ivresse à construire chez lui un lit carré, comme à la caserne. Il se réveilla au milieu de la nuit. Il se souvint de la jeune femme. Alors il défit son lit carré, tira le matelas dans le couloir sans faire de bruit, et s'installa devant la porte de Pauline. Nous sommes entrés facilement dans cette maison. D'autres peuvent en faire autant. Et s'il voyait entrer un homme dans sa chambre, elle aurait peur. Angelo s'assura encore d'être soigneusement en travers de la porte et il s'endormit. Au matin, ils reprirent leur route. Pauline se laissait emporter docilement par le mulet, tandis que la pluie fine donnait aux cheveux bruns d'Angelo la lourdeur et l'écroulement des feuilles d'acanthe. Au loin, à travers les rideaux de pluie, les aperçurent des maisons en ruine. Ils coururent se mettre à l'abri. Pauline était trempée. Angelo s'apprêtait à faire du feu quand un gros homme jovial, sanglé dans une redingote très insolite, apparut. Sous la bourrasque, le bonhomme manœuvrait un immense parapluie bleu. Il y a plus de 5 minutes que je vous fais des signes et que je vous appelle en toquant contre mes vitres. Vous avez l'air de 2 poules qui ont trouvé un couteau. Venez donc chez moi, en face, mais... Le bonhomme les fit se sécher dans une grande pièce où régnait un indescriptible désordre. On ne voyait pas de cuisine en train. Il y avait cependant une exquise odeur de civet ou de daube. Et Angelo était très impressionné par cette odeur. Il voyait tout différemment. Il imaginait fort bien qu'avec un peu de daube arrivant à point, on pouvait dans la réalité domestiquer tous les héros et héroïnes de l'Arioste. L'épidémie a fait des ravages par ici. Oh, c'est comique. Nous avons une épidémie de peur. Actuellement, si j'appelle choléra un brassard jaune et si je le fais porter à 1000 personnes, les 1000 crèvent en 15 jours. Voyez-vous, mon jeune ami, j'ai exercé la médecine pendant 40 ans. Je sais fort bien que le choléra n'est pas tout à fait le produit de l'imagination. Mais s'il a cette violence épidémique, c'est qu'avec la présence continue de la mort, il exaspère dans tout le monde le fameux égoïsme congénital. On meurt littéralement d'égoïsme. Vous êtes docteur? Vous devez connaître des remèdes. Nous sommes sur les routes, avec seules les ressources de notre bonne volonté de vivre. Et cela ne suffit pas par les temps actuels. Je crois que le calomel, ou même l'élixir parégorique... Bagatelle, le calomel, l'élixir parégorique, le choléra... est une maladie de grand fond. Il ne se transmet pas par contagion, mais par prosélytisme. Voici un homme ouvert, de la tête aux pieds, comme un bœuf à l'étal. Et voilà, penché sur lui, avec tous ses appareils, l'homme de l'art. Ce dernier peut très bien connaître de quoi l'homme est mort, mais le sens profond du « pourquoi » c'est une autre affaire, qui, pour être tiré au clair, nécessiterait la connaissance du comment cet homme a vécu. Or, cet homme ou cette femme a aimé, haï, menti, souffert et joui de l'amour, de la haine et du mensonge des autres. Mais aucune trace à l'autopsie. Le choléra est un sursaut d'orgueil, ce n'est pas une maladie. Oui, un sursaut d'orgueil. À ce moment-là, plus rien ne compte que le sursaut et que l'orgueil. Tout éclate, famille et patrie, chacun pour soi. Et l'on s'étonne de l'indifférence des colériques. Dans la plupart des maladies, le malade s'intéresse à ceux qu'il soigne. On a vu des patients à l'article de la mort demander des nouvelles de la tante Lali. Le colérique, lui, n'est pas un patient. C'est un impatient. Il vient de comprendre trop de choses essentielles. Il a hâte d'en connaître plus. Cela seul l'intéresse. Et seriez-vous colérique l'un et l'autre que vous cesseriez d'être quoi que ce soit l'un pour l'autre? Vous auriez trouvé mieux. Pourtant, il existe des remèdes. Pauvre petit Français. Qu'est-ce que vous voulez? On m'envoie chasser le tigre avec des filets à papillons. La poudre de pistolet, c'est pas une thérapeutique. Ils n'ont pas voulu me donner de remède. Le meilleur remède serait d'être préféré. Mais vous voyez, on n'a rien à offrir en échange en remplacement de cette nouvelle passion. En un mot, il faudrait être plus fort ou plus beau. Ou plus séduisant que la mort. Il faisait tiède. Une odeur de champignons extrêmement suave fumait du pied des genévriers et des buis. Un vent léger, bariolé de froid, donnait à l'air une vigueur et une vertu sans égale. Le mulet même était content. Pour la première fois, Angelo et Pauline goûtaient le plaisir du voyage. Ils firent halte à midi dans la solitude ensoleillée. Ils burent du thé, Pauline s'étendit, ferma les yeux et s'assoupit. Debout. Je regrette de vous réveiller, mais il faut être à gap avant la nuit. Elle se leva et se mit à marcher encore ensommeillée. Voyez-vous la grande route qui passe au-dessus de nous? Pauline. Pauline. Qu'avez-vous? Elle tomba lentement, pliant les genoux, courbant la tête, les bras pendants. comme il se précipitait, elle ouvrit les yeux et tenta de parler, mais elle dégorgea un petit flot de matière blanche et grumeleuse, semblable à de la pâtée de riz. Angelo tira les bottes de Pauline. Les jambes étaient déjà raides. Les muscles tendus faisaient saillie dans la chair. Il remarqua que les lèvres se retroussaient sur les dents et que la jeune femme avait une sorte de rire cruel et même carnassier. Alors il se mit à frictionner de toutes ses forces, les pieds glacés. Faisons les choses qu'il faut, sinon je suis foutu. Pour la déshabiller, il faut allumer du feu. Angelo avait placé de gros galets dans le feu. Quand les pierres furent chaudes, il les enveloppa dans du linge et les plaça près du ventre de la jeune femme. Mais les pieds étaient devenus violets. Il recommença à frictionner. Il sentait le froid fuir sous ses doigts et monter dans la jambe. Il souleva les jupes, mais une main de glace saisit sa main. J'aime mieux mourir. Il se débarrassa de la main avec brutalité et déshabilla la jeune femme comme un écorche à lapin. Il frictionna tout de suite les cuisses, mais les sentant douces et chaudes, il retira ses mains comme d'une braise et revint aux jambes qui bleuissaient. Faut lui faire boire du rhum par force. Il dégagea la bouche où s'étaient embourbés les nouveaux dégorgements de riz au lait et s'efforça de desserrer les dents. Il versa le rhum peu à peu. Puis il porta machinalement le goulot de la bouteille à ses propres lèvres et il but à son tour. En un éclair, il pensa à son imprudence. Mais après, qu'est-ce que ça fiche ? La cyano semblait avoir pris en haut des cuisses. Angelo frictionna les plis de laine. Il ne savait que frictionner sans arrêt. Ses mains lui faisaient mal. Il fit des frictions à l'eau de vie. Il renouvela les pierres chaudes. Il tira avec précaution la jeune femme le plus près du feu. Qu'est-ce que j'ai comme remède ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il pensa un moment à se servir de la poudre. Il ne savait à quel usage, mais il lui semblait qu'il y avait là-dedans une force qui pouvait s'ajouter à la sienne. Angelo n'osait pas interroger Pauline, qui semblait s'éloigner. Il craignait cette bouche qui continuait à dégorger des bouts blanchâtres. L'absence d'espoir, la fatigue physique, le faisait de plus en plus tourner les regards vers la nuit. À bout de force, Angelo reposa sa joue sur ce ventre qui ne tressaillait plus que faiblement. Et il s'endormit. Quand Angelo ouvrit les yeux, c'était le jour. Alors il vit qu'il était couvert jusqu'au menton par les pans de son manteau. Une main fraîche toucha sa joue. C'est moi qui t'ai couvert. Tu avais froid. Deux jours après, sur le soir, ils arrivèrent au château de Théus. Le mari de Pauline n'était pas là. On n'en avait aucune nouvelle, assurait la vieille madame de Théus. Il doit être en train de faire le fou quelque part. On dit que la vie est étrange du côté d'en bas. Pauline arriva en robe longue. Son petit visage, que la maladie avait rendu plus aigu encore, était lisse et pointu comme un fer de lance. Et sous la poudre et les fards, légèrement bleuté. Comment me trouves-tu ? Très belle. Le matin du départ, Angelo rendit tout de suite la main à son cheval. Il voyait venir vers lui au galop les montagnes roses si proches qu'il distinguait sur leur flanc la montée des mélèzes et des sapins. L'Italie est là, derrière! Il était au comble du bonheur. La radiodiffusion française vient de vous présenter Le Hussard sur le toit de Jean Giono, adaptation radiophonique d'André Bourdille, avec Gérard Philippe dans le rôle d'Angelo et Jeanne Moreau dans celui de Pauline, René Lefebvre, Marguerite Taos et Louise Comte, sociétaire de la Comédie française, étaient les récitants. Jean Touloup, le grand monsieur, Jean Topard, le petit médecin, Hieronymus, le médecin militaire, Nicolas Amato, l'officier, Paul Morin, la sentinelle, Léon Larive, l'aubergiste, Antonin Bariel, le voyageur, Janik Giuseppe, Louise de Braquel, la paysanne, Juliette Jérôme, Madame de Théus, Régine Chantal, la petite fille, et Maddy Berry, dans le rôle de la nonne. Bruitage, Gabriel de Rivage. Prise de son, Jacques Perrier, assisté de Georges Mormin. Musique originale de Marc Vaubourgoin, orchestre sous la direction de l'auteur. Cette émission vous a été présentée par Jean Giono. France Culture, vous écoutez Théâtre et Compagnie, et nous vous proposons de retrouver Jean Giono, que vous avez entendu tout à l'heure présenter Le Hussard sur le toit. Au micro de Jean Carrière, qui fut son assistant et ami, il détaille son processus d'écriture, où il sera question de style, d'encre très noire, de papier, mais aussi d'allumettes. Je vais te parler du phénomène de l'écriture, pour t'expliquer toujours comment se fait un livre, qui pour moi est très important, c'est que je me mets toujours au travail le matin, devant ma page, sans savoir du tout ce qui va se passer. Rien n'est préparé. Je m'arrête le soir à un moment où je ne sais pas ce qui va se passer. Car je me raconte en premier lieu le livre à moi-même. Et ce qui m'intéresse, c'est de me raconter ce livre. Plus que d'écrire un livre pour écrire un livre. Si le livre m'ennuie, je le quitte et je fais autre chose. On peut maintenant, à mon âge, se passer d'écrire un livre. Mais le plaisir que je prends à écrire un livre dépasse tous les autres plaisirs. Est-ce que vous écrivez beaucoup tous les jours, plusieurs heures? Toute la journée. Toute la journée. Toute la journée, ce qui ne veut pas dire que j'écrive beaucoup, parce que quand j'ai écrit la valeur de 3 pages dactylographiées par jour, c'est le maximum. 3 pages dactylographiées par jour, ça fait une de mes pages d'écriture à peu près. Parce que j'ai une écriture très serrée qui se serre de plus en plus à mesure que ça vient bien. Quand les choses viennent bien, le texte est tellement serré que je fais, dans une page de format ordinaire, 87 lignes à la page. La page dactylographiée, c'est 25 lignes. C'est-à-dire qu'une de mes pages d'écriture fait à ce moment-là jusqu'à 6 pages ou 7 pages de machine à écrire. Seulement, c'est quand ça vient très bien. En général, une de mes pages fait 3 pages de machine à écrire. Vous n'avez jamais écrit au stylo? Non. Et je vais te dire tout de suite pourquoi. C'est parce que j'aime l'encre très noire. Et au stylo, on n'a jamais d'encre très noire. Le stylo est lourd. Et quand on a cet instrument toute la journée dans la main, ça fatigue. Tandis que mon porte-plume pèse à peu près la moitié d'un gramme. C'est un petit morceau de bois au bout duquel il y a une fente. Dans cette fente, je glisse la plume. Cette plume, je la trempe dans de l'encre qui reste très noire, car je prends encore la précaution de laisser l'encrier déboucher. Alors l'encre s'oxyde et devient extraordinairement noire, presque comme de l'encre de Chine. Alors là, j'aime écrire avec cette encre-là. J'aime avoir un porte-plume entre les mains, j'aime l'encre noire, j'aime le papier sur lequel j'écris, et j'aime la façon que j'ai d'écrire. Si mon papier n'est pas celui que je veux, si ma plume n'est pas celle que je veux, je suis gêné pour écrire. Est-ce que vous faites beaucoup de retouches? Non. Sur le texte proprement dit? Oui, je fais beaucoup de retouches, mais qui ne se voient pas. Je fais une sorte de rapiessage de phrases et de mots dans le style, mais qui ne se voient pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rature. Ce travail étant fait au préalable sur des carnets. Voilà comment se présente mon travail de façon matérielle, ça fera mieux comprendre. Sur ma table de travail, il y a ma page blanche, et à côté de la page blanche, il y a mon carnet. Je réfléchis à la phrase que je veux faire prononcer à mon personnage ou à la phrase que moi j'écrirai pour décrire ce que mon personnage est en train de faire. Je réfléchis à cette phrase et quand il n'y a pas de problème, je l'écris directement sur ma page. Et puis je continue comme ça, peut-être pendant une heure à écrire sur la page jaune sans besoin du carnet. Et puis brusquement se présente un problème de style ou un problème de construction. Alors ça se fait sur le carnet. Si bien que lorsque j'écris la phrase que je viens de travailler sur la page jaune, elle ne présente pas de rature parce que toutes les ratures ont été sur le carnet. Mais si tu prends la page du carnet correspondante à la page jaune, tu trouveras pour la même phrase alors une dizaine de phrases qui présenteront les mots placés dans des ordres différents.